Chapitre 8e et dernier, où Toto Fouinard remet tout au point. Pendant la soirée, les événements avaient marché. Une réunion des comités royalistes avait été tenue à la salle Wagram, et là, des discours enflammés avaient été prononcés contre les ministres, contre la police, qui insultaient les plus nobles représentants de nos gloires nationales. À la sortie, il y avait une forte bagarre, dans laquelle la police était intervenue avec sa mansuétude habituelle. Pendant ce temps, une bande révolutionnaire s'était portée sur l'hôtel de Firmini et avait vociféré. La police avait dispersé les groupes à coups de bottes. En tout, 276 arrestations avaient eu lieu, dont 8 seulement avaient été maintenues. Mais une certaine effervescence couvait et on craignait de nouveaux troubles quand le lendemain matin, le Nouvelliste publia ceci. Le journal relatait d'abord les incidents de la soirée et les déplorait, puis il ajoutait. Ces événements sont d'autant plus regrettables qu'ils n'ont d'autre cause que la sottise de certains agents de police, M. Pied-de-Bœuf, déjà mis une fois en disgrâce, et à qui ses supérieurs avaient eu le grand tort de faire encore confiance. Nous nous abstenons de tout commentaire. Nous nous contentons de publier la lettre ci-dessous qu'a bien voulu nous communiquer M. Fouinard, en même temps qu'il l'envoyait à M. le préfet de police. Nous devons ajouter que nous avons vérifié les affirmations qu'elle contient et qui sont de la plus parfaite exactitude. Voici cette lettre. À Monsieur le préfet de police, Toto Fouinard. Monsieur le préfet, j'ai l'honneur de vous informer que l'homme de la rue du Pont-Neuf n'a pas été assassiné, mais qu'il est au contraire un assassin, et que par conséquent il est inutile de rechercher plus longtemps ceux dont il aurait été la prétendue victime. Monsieur Firmin, Auguste, n'a aucun lien de près ni de loin avec la famille qui a été si malencontreusement mis en cause. Il est le fils d'un brave coiffeur, demeurant rue de Bagneux, 91, à Montrouge, dont il mangeait d'ailleurs consciencieusement les économies, se refusant à tout travail sérieux et se livrant à des élucubrations décadentes dont il attendait une gloire trop lente à venir. M. Firmin Auguste avait la désastreuse habitude de s'enivrer. Alors il aimait à se faire passer pour le descendant d'une grande famille dont il avait trouvé le nom dans le bottin mondain. De plus, il professait des théories insensées et peu compréhensibles sur la vie et la mort. Il avait passé la soirée qui précéda sa propre mort avec des jeunes gens appartenant aux écoles dites nouvelles, ultra loufoques, pour tout dire, et il s'était abominablement saoulé. Porteur d'un couteau catalan, il s'est rué, dans un accès de folie alcoolique, sur un brave homme, le sieur Latournère, fruitier, demeurant rue des Écoles, qui revenait de faire sa manie au cabaret du Bouchon Rouge, rue Gillecoeur, et qu'il a lardé de coups de couteau. Il a lui-même emporté sa casquette, que le pauvre Latournère avait achetée récemment au boulevard Ménilmontant. Après avoir accompli cet exploit, le nommé Firmin Auguste rentra chez lui, rue du Pont-Neuf, tenant toujours son fameux couteau catalan. Là, de plus en plus ivre, il n'a pu regagner son lit et est tombé si malheureusement dans son antichambre que la lame de son couteau lui est entrée tout entière dans le ventre. De quoi il est mort? Les preuves de ces faits sont celles-ci. Premièrement, la présence chez lui de la casquette de M. Latournère, auprès de qui son propre chapeau melon était tombé et qu'on trouvera chez Mme Latournère. Deuxièmement, la pointe de son couteau catalan qui s'était brisée sur une côte de sa victime et qui a été extraite des blessures de ce dernier par M. le chirurgien en chef de l'Hôtel-Dieu. On peut vérifier que le couteau et sa pointe s'adaptent admirablement. Ces deux aventures, qui paraissaient d'abord si étrangères l'une à l'autre, étaient donc absolument liées. Il ressort de tout ceci que l'on a eu grand tort d'aller ennuyer M. de Firmini, qui n'a pas de fils, mais seulement un neveu qui habite le plus souvent un château en province, et que cette légère erreur d'un agent trop zélé a déchaîné dans Paris des scènes regrettables. Le mieux, c'est que c'est l'assassin, c'est-à-dire M. Firmin Auguste, qui est mort, tandis que l'assassiné, M. Latournère, est hors de danger. J'espère, Monsieur le Préfet, que ces renseignements vous seront de quelque utilité. Je suis prêt à vous fournir tous les éclaircissements et témoignages qui vous seront nécessaires et vous prie d'agréer, etc. Ah, mon bon Fouinard, s'écria Michel en sautant au cou de son ami, tu es grand. Tu es beau, il n'y a que toi. Le fait est, dit Suzon avec conviction, qu'il est aussi grand que Napoléon. Dans un autre genre, corrigea Fouinard. Cette fois, Pied-de-Bœuf, définitivement jeté à l'eau, fit le plongeon. On dit qu'il avait demandé à partir aux colonies du Congo français. Quant à Fouinard, il était définitivement sacré grand homme. Aussi, quand Paris, quelque temps après, se trouva sous le coup d'une terreur intense par l'appréhension d'une épidémie inexplicable et foudroyante, ce fut à lui qu'on en appela, d'une voix unanime, pour la solution de cette effroyable énigme. C'est ce que nous raconterons dans le prochain récit, La mort à deux sous. Jules l'Hermina.